Good morning Bitbourg. Bonjour à tous les Bitbourgeois et surtout bonjour à toutes les Bitbourgeoises. Il est 7h30, vous êtes sur BBFM et le soleil vient sortir Bitbourg de sa torpeur nocturne. Nous sommes mardi, vous êtes sur BBFM et la nouvelle vient sortir Bitbourg de sa torpeur diurne. Ne vous méprenez pas lorsque je parle de nouvelles, je ne fais pas référence à la nouvelle infirmière de l'hôpital de Bitbourg qui est vieille et laide comme un pou qui serait vieux et qui aurait une sale face. Non, lorsque je dis la grande nouvelle, entendez la grande nouvelle, celle qui fera un point douter l'effet d'une bomba sur notre belle bourgade. Il s'agit en effet de l'acceptation de la candidature de Bitbourg en tant que ville organisatrice des JO, c'est-à-dire pour parler plus clairement des Jeux Olympiques. Alors réservez un accueil chaleureux au comité olympique qui viendra rendre visite à notre belle ville. Allez, levez-vous, je veux voir tout le monde debout. Big up au comité olympique. Represent Bitbourg. Et on se retrouve tout de suite après un petit peu de musique. Vous êtes toujours à l'écoute de BBFM, la radio que l'on aime. Et je vous rappelle que la ville entière se prépare à recevoir le comité olympique international. Abdoul, notre jovial épicier, ouvrira sans doute à l'occasion de leur venue son merveilleux stand de sandwich au gras de jambon et au blanc d'œuf. Mais pour l'heure, il est plutôt question de... Qu'est-ce qui part vite votre hobby? Bah, c'est parce que vous n'êtes pas encore habitué à l'accent. Vous verrez, si vous restez suffisamment longtemps à Bitbourg, vous le comprendrez parfaitement. Qu'est-ce que vous entendez par « si vous restez suffisamment longtemps à Bitbourg » Vous voulez dire que mes jours ici sont comptés, qu'on voudra m'éliminer parce que je dis la vérité? Bah non, je veux juste dire, si vous nous quittez pas trop tôt. Oh, c'est pas la peine de vous énerver, remballez vos airs. Ça ferait tâche pour la venue du comité olympique. Ouais, servez-moi plutôt un café, Carole, avec de sucre. Un décaféiné alors? Non, un normal. Sans sucre dans ce cas? Ce serait quand même pas trop vous demander que d'avoir un normal sucré. Écoutez, c'est soit le sucre, soit la caféine, j'ai pas les deux d'un coup, moi. C'est bizarre ça quand même. Bah non, c'est comme ça. Et aussi loin que je m'en souvienne... Oh, bah tiens, regardez qui vient de se réveiller, mamzelle comment déjà? Alors, bien dormi, comme à l'hôtel de la plage, 6 rue des Capucins, 07 24 83 12 22. Plutôt bien, oui. Mettez-moi une bière alors. À 8h moins le quart? Il n'y a pas de café. Ah ben ça, c'est bien dommage. J'aurais bien pris un grand café noir. Ça roule, un grand café noir et une bière. Alors là, je comprends plus. Ouais, je t'expliquerai. Bah, tu m'as bien dit qu'il n'avait plus de café. Je te répliquerai. Oh là là, tout va bien, calme-toi, je t'en prie. Tu es là pour te détendre et te reposer, souviens-t'en. Ces jeunes gens sont servis. Merci Carole, vous êtes une crème. Bah non, je suis barman, moi. Une crème, c'est un truc à manger qu'on met dans un ramequin. Il n'y a pas de bulles dans votre bière. Non, mais il y a de l'alcool. Si vous vouliez des bulles dedans, il fallait demander une bière sans alcool. Ah, vous avez du jus de pomme? Pour ça, oui, du très bon même. C'est le paysan qui le fait, selon la vieille méthode traditionnelle. Ouais, bon, j'en prendrai un grand verre alors. On sent que vous avez soif, mais on sait pas trop ce que vous voulez boire. Hein. Goûtez-moi ça, vous m'en direz des nouvelles. Attendez, l'arrangez pas, montrez-moi la bouteille. Avec vous comme client, on s'ennuie pas. Il aime bien chercher la petite bête. Au travail, c'est pareil, il est toujours... Mais selon la vieille méthode traditionnelle, dites-vous. Bah, y'a que vous pour en douter ici. Comment expliquez-vous alors l'absence totale de dépôt au fond de la bouteille? Bah, j'explique pas, on me l'a jamais demandé. Il y a pourtant toujours un important dépôt au fond d'une bouteille de jus de pomme fermier. Que voulez-vous que je vous dise? Dans celui hyperisant, il y en a pas. Ah, c'est étrange. Oh, je t'en prie, Vincent, tu fais une histoire de rien du tout. Ouais, c'est bizarre. On ira voir comment procède le paysan si tu veux. Ça te détendra. On comprend pas tout ce qu'il dit, mais je suis sûr qu'il saura nous faire des petits croquis pour nous expliquer comment il fait son jus de pomme. C'est avec des pommes, je crois. Ouais, à votre place, j'en serais pas si sûr. Il s'agit peut-être en vérité d'un simple colorant naturel dont je ne saurais dire avec exactitude la provenance mélangée à l'urine de porc. Urine savoureuse, soit dit en passant. Je ne vous permets pas de remettre en cause l'intégrité du paysan. C'est un homme respectable en dépit de sa prononciation approximative et il a largement l'âge d'être votre père, voire même votre grand-père. Et aussi loin que je m'en souvienne, il en a toujours été ainsi. Il a toujours eu l'âge d'être le grand-père de n'importe qui ici. Vous, moi, votre copine qui glousse. N'importe qui, vous m'entendez? N'empêche qu'il n'y a pas de dépôt dans son jus de pomme. Et ça, c'est louche. J'éclaircirai tout ça, moi. Mais qu'est-ce que vous voulez éclaircir s'il n'y a pas de dépôt? Vous voulez du jus de pomme clair comme de l'eau, c'est ça? Oh, vous en prie, Carole, vous voudrez bien couvrir. Ah non? Là, je dois t'avouer que c'est un petit peu obscur pour tout le monde, là. On va plutôt se diriger vers la ferme du Paysan. L'air de la campagne te fera le plus grand bien et tu auras enfin le cœur net concernant la fabrication de ce jus de pomme. De quoi redonner du peps à monsieur... Non, riri pas. Oh, je ne dirais pas que si tu te calmes. Ok. Crée. Pardon? J'ai mal entendu. Ok. Voilà qui est mieux. Allez, oust. Si on est débarrassé des airs, allons prendre l'air. Ouais, c'est ça, laissez donc un peu de place. J'en branle pas une, va pas tarder à arriver et j'ai pas envie d'être débordé, moi. À 3 clients, on n'a plus le temps de respirer. Ça, forcément, les jeunes, vous savez pas ce que c'est de travailler. Bon, je vous en prie, Carole. Je suis tout de même chargé de commission au bureau. Je vous demanderai un petit peu plus de considération, comme il en a comble. Et moi, je te demanderai d'arrêter de te monter la tête et de me suivre. Ouais, ok. Putain, ça commence à craindre ici. Ça craindra moins quand tu seras parti. C'est bon, là, je suis présentable. Vous êtes parfait, monsieur le maire. Comme à votre habitude. Oui, mais la cravate, là, elle est bien ajustée. C'est quand même le comité olympique international. Je voudrais pas faire cache. Il n'y aura aucun problème, monsieur le maire. De toute façon, je suis là. N'ayez d'inquiétude, tout se déroulera comme sur des roulettes. Oui, eh bien moi, quand j'étais petit, j'avais une chaise à roulettes. Et je la trimballais partout. Et puis un beau jour, il y a une des roulettes qui est partie tailler la route toute seule. Comme ça, sans les trois autres. Et on n'a jamais réussi à la réparer. Et la petite chaise, elle a plus jamais roulé. Et je l'ai laissée pourrir dans un coin, complètement abandonnée. C'est qu'on est cruel quand on est gosse. Et les émetteurs aussi, ils sont cruels. Et moi, je veux pas être la petite chaise à roulettes des émetteurs. Des électeurs, monsieur le maire, on dit des électeurs. C'est pourtant pas compliqué. Vous êtes presque parvenu là. Oh, mais vous me laisserez jamais tomber, hein. Mais bien sûr que non, monsieur le maire. Faites-moi confiance et ressaisissez-vous. Voilà du monde qui arrive. Le comité olympique, je présume. Bonjour, je suis Vincent David, chargé de commission au bureau, et voici mademoiselle Comandéja, mon assistante de commission chargée au bureau du secteur. C'est votre assistante et vous ne savez même pas comment elle s'appelle? Bah si, Comandéja. C'est mademoiselle Comandéja. Rebecca Comandéja. Vous êtes un petit malin, vous. C'est un petit malin, hein. Vous essayez de noyer le poisson. Vous avez pas prononcé son nom, là. Comandéja. Elle s'appelle Rebecca Comandéja. Mais dis-lui, toi. Bon, je m'appelle Rebecca Comandéja. Bon, très bien. Puisque vous ne vous décidez pas à y mettre un peu de bonne volonté, on vous appellera Machine. Alors, que me voulez-vous, monsieur je sais plus comment et Machine? Il est vraiment trop con. Vincent! Eh bien, nous étions à la recherche de la ferme du Paysan et on a vu des poules devant chez vous, alors on a pensé que c'était ici. Détrompez-vous, mademoiselle. Comandéja? Comandéja. Oui, c'est vrai. Ces poules sont les poules de la mairie. Elles sont à la disposition du contribuable et pondent de très bons œufs, grâce à une alimentation saine et équilibrée. 50% de grains, 30% de pain dur et 20% de déchets alimentaires divers. Mais prenez donc la demi-douzaine ce matin, vous jugerez par vous-même. Oh, mais c'est adorable. Monsieur? Son conseil municipal. Son conseil municipal à qui? Ah, monsieur le maire, bien sûr. Mais alors, c'est qui, monsieur le maire? C'est moi! Oh, putain, c'est pas vrai. Bon, c'est pas qu'on s'ennuie, mais j'ai comme l'impression qu'on a rien à faire ici. On va vous laisser travailler. Oh, non, je vous en prie, restez! On attendait la délégation du comité olympique international. On va bien s'amuser tous ensemble. Non, non, on peut pas se permettre, on a de la route. Allez, ça me fait plaisir. Le comité olympique international, dites-vous? Exactement. À Bitbourg. Puisqu'on vous le dit. Ouais, on va peut-être rester alors. Ouais! Vincent! Si, on va rester. Trop cool! Monsieur le maire, calmez-vous, je vous en prie. Je crois bien que c'est eux cette fois-ci. Messieurs, bonjour, voici monsieur le maire et je suis monsieur son conseil municipal. Enchanté, je suis monsieur A, voici messieurs E, I, O, U, Y est dans le coin et toutes les consonnes sont avec nous. Et... vous êtes? Cette question, la délégation du comité olympique international. Excusez-nous, on est un peu à la bourre, mais on s'est paumé et quand on a voulu demander notre chemin, on est tombé sur un pecno qui jactait un charabia incompréhensible. Personne n'a rien capté de ce qu'il nous disait, même des qui a pourtant fait fac de langue. Ah non, moi j'ai fait fac de lettres comme les autres. Hein. J'en étais pourtant sûr. Bon, trêve de courtoisie, passons aux choses sérieuses. Vous avez bien prévu un buffet? Mais bien sûr, pistaches et champagne. Et ce n'est qu'un avant-goût de toutes les surprises que vous nous a réservées pour notre visite à Bitbourg. Eh bien, on va toujours commencer par ça. Méga enfin, et on n'a rien bu de tout le trajet. On commence sérieusement à avoir la sèche. Il ne me reste plus qu'à sabrer le champagne dans ce cas. Monsieur le maire veut peut-être de l'aide? Oh non, je vous en prie, laissez-moi faire tout seul. J'adore ça. Procédez donc à l'ouverture dans ce cas. Oh, mais vous pouviez pas faire plus attention, vous avez failli m'éborgner, en plus il y a pas de bulles dans votre champagne. Mais c'est vrai ça? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur mon conseil? Son conseil, monsieur le maire. Oui, peu importe, qui que vous soyez, passez-moi une deuxième bouteille. Ah ça non, hein, je veux pas finir bande des deux yeux moi. Rebecca, ouvre-la toi. Ah bah non, j'ai rien à dire là. Je parlais de la bouteille. Ok, alors ça, je veux bien le faire. Bon, il y a plus de bulles dans celle-là. Ça doit venir du lot entier. Et puis, sans vouloir pleurnicher, mes gars se sont pété les ongles à ouvrir vos pistaches et elles sont toutes plus vides les unes que les autres. Mais c'est une véritable catastrophe. Mais non, c'est rien, ça peut arriver à tout le monde. L'essentiel, c'est que vous ayez de bons athlètes. Des athlètes ? Monsieur Géant ? Monsieur Géant ? Monsieur Géant, vous êtes là ? Oui, ici. Mais je vous en prie, appelez-moi Larynx. Mais qu'est-ce que vous étiez en train de faire avec ? Non ! Ne vous approchez pas ! Vous ne devez pas me voir et c'est moi qui pose les questions ici. Ben non, c'est moi. Et vous, vous me répondez par des suggestions sibyllines. C'est comme ça que ça se passe normalement avec un informateur secret. Oui. Exact. Là, vous marquez un point. Des questions, oui, c'est ça. Posez-moi des questions. Eh bien, je sais pas trop, moi. Ça vient pas comme ça. Vous êtes marrant, vous. Bon, racontez-moi votre journée, alors. Je ne sais pas, moi. Vous n'avez rien remarqué ? Quelque chose de bizarre ? Si, plein. Ça a commencé ce matin chez Carole. Il n'y avait que des trucs étranges à me servir. De la bière sans bulle, du café sans caféine, du jus de pomme fermier sans dépôt au fond. Sans dépôt au fond, vous dites ? Oui, exactement. Et en plus, il était anormalement agressif. Le jus de pomme ? Non, Carole. Il sait quelque chose, Carole sait quelque chose, oui c'est ça. Il est avec eux. Qui ça, eux ? Eh bien, je ne sais pas, moi. Vous n'avez vu personne d'autre aujourd'hui ? Si. Monsieur le maire et son conseil municipal, pourquoi ? Ils savent quelque chose ? Oui, tous les deux. Ils sont au courant. Ils sont dans le coup. Même monsieur le maire ? Oui, surtout lui. Mais il a l'air si innocent, pourtant. Quelqu'un d'aussi bête ne peut être qu'au-dessus de tout soupçon. C'est normal. C'est parce que c'est une victime, en fait. Mais vous venez de me dire que... Non ! Je ne vous ai rien dit du tout ! Bon, taisez-vous, c'est beaucoup trop dangereux. Monsieur le maire est en danger. Il est la cible d'une innommable conspiration. Vous voulez dire la conspiration ? Non ! Ne la nommez pas, elle est innommable ! Mais alors je comprends mieux, tout concorde maintenant. Le comité olympique, les EE... Les EE ? Oui, les EE. Pourquoi ? Ils sont coupables ? Je ne sais pas. Comment ça ? Si, je sais, bien sûr que je sais. Je suis votre informateur secret, je sais tout, je vous informe, et secrètement, au péril de ma vie, je me jouais de vous, c'était une blague, une boutade. Mais alors, ces œufs ? Quels œufs ? Ah oui, ah oui, les œufs-là, vous voulez parler de ces œufs-là ? Eh bien, faites-les cuire, bien sûr, oui, c'est ça. Faites-les cuire et vous verrez. Je verrai quoi ? On ne voit que ce que l'on veut bien voir. Très bien, j'ai compris le message. Je vais de ce pas faire cuire les œufs. Avant de partir, vous voudriez pas faire un petit don à ma paroisse ? Mais vous êtes ecclésiastique ? Non, enfin, c'était une image, une manière détournée, un peu plus polie de vous demander de l'argent. Parce que je suis un peu à court, là. Ah ouais, c'est foutu, votre truc, hein. Tout en image, vous arrêtez jamais. Vous exprimez qu'en métaphore, c'est méga fort, ça. On comprend pourquoi c'est vous l'informateur et que moi je suis juste ce héros de l'ombre, cet homme qui... Bon, ça vient, c'est 500 balles J'ai que 200 là. Mais ça devrait suffire pour la toiture de votre chapelle. Ouais. Et vous avez vu ? Moi aussi je m'y mets, les métaphores filées et tout. Salut ! Bah merci Larynx pour ces précieux renseignements. De rien. Oh bah tiens, monsieur le maire, ça faisait longtemps. Vous êtes venu avec votre conseil ? Son conseil, S-O-N, monsieur, son conseil. C'est pourtant pas plus difficile à retenir que vos foutus numéros. De quel numéro vous voulez parler ? Je fais pas mon numéro, moi. Hein, Jean, je fais mon numéro, moi ? On peut pas vraiment dire ça, Carole. Oh, pour ça, non. Si ça avait été le 07 26 32 24 24, j'aurais compris encore. Mais vous êtes un payant, vous. On vous réglera quand même les consommations. Mettez-nous deux kirs, Carole. Je suis désolé, monsieur, son conseil, mais j'ai plus de kirs. Je peux peut-être vous mettre un muscadet ou une petite crème de cassis pour remplacer. Oh, une crème de cassis fera l'affaire, hein. Pour moi, un muscadet. Nous sommes là pour de sérieuses raisons. Voilà, quand vous commencez à faire des phrases avec une drôle de syntaxe, c'est que c'est vraiment sérieux. Qu'est-ce que je peux pour vous ? Je vous prierai de bien vouloir lui expliquer, monsieur mon... S-O-N, son conseil. S-O-N-C-O-N-S-E-I-L. C'est pourtant pas bien compliqué. Non, mais ne criez pas pour l'amour du ciel, vous me faites peur. Expliquez-lui plutôt la raison de votre visite. Eh bien, vous n'êtes pas sans savoir, Carole, qu'une délégation du Comité Olympique International est en ville pour délivrer son verdict concernant la candidature de Bitbourg en tant que ville organisatrice des Jeux Olympiques. Non. Ne m'interrompez pas, s'il vous plaît. Eh bien, le petit cocktail dînatoire que nous avions préparé à l'occasion de leur visite s'est révélé être un véritable échec. Et ce, en grande partie à cause de l'absence de bulles dans notre champagne et l'absence de pistaches dans nos pistaches. Cela aurait pu se révéler catastrophique, mais la délégation du Comité Olympique International a su se montrer compréhensive et grâce à... Oh mon Dieu! Ou son Dieu, ou bien conseil, ou je sais plus. Pouvez-vous éviter de faire des phrases aussi longues? On n'a pas d'athlète, voilà! Comment? Monsieur le maire! Eh bien quoi? Soyons honnêtes avec les retards! Les électeurs, monsieur le maire! Oui, eh bien, quel qu'il soit, il doit savoir la vérité. Nous avons fait venir le comité olympique et nous n'avons pas pensé aux athlètes. Voilà. Ça c'est ballot alors, hein. Je vous prierai de vous taire, on le sait bien qu'on est dans la... Mais je vous en prie, monsieur son conseil. Cette jeune personne a fort belle allure. Il pourrait bien que notre ami, le recteur, soit sportif. Électeur, monsieur le maire, et cet homme n'est pas notre ami. Tous les prêteurs sont nos amis, et surtout lorsqu'ils sont athlètes. Mais je suis pas athlète, moi, et surtout pas olympique. C'est même pas payé. Mais enfin, fidèle lecteur. Pas que l'argent dans la vie. Il y a aussi la gloire, les femmes et la luxure. Monsieur le maire, cessez pour l'amour du ciel. Soyons honnêtes avec les skateurs. Nous savons tous ici qu'ils ont les mêmes envies que nous. Ce qu'il leur faut, c'est plus de sexe, de drogue et de rock'n'roll. N'oubliez pas l'alcool, surtout sans bulle. Oui, c'est cela, l'alcool. L'alcool et la double pénétration. Monsieur le maire, vous divaguez là. Mais enfin, comment pouvez-vous vous permettre? Vous votez pour moi aux élections. Vous êtes bien loin du sujet. Revenons-en plutôt à notre sportif. Quelle discipline exercez-vous? Aucune. Je suis pas sportif, moi. Je suis chômeur. Le peu de sport que je me permets de faire, c'est de lever le coude. Très bien. Vous vous chargerez de constituer notre sélection bitbourgeoise de leveurs de coude. Mais c'est quand même pas une discipline olympique. Que cela ne tienne, nous la ferons homologuer en tant que telle avant le début des Jeux. Mais j'ai pas envie d'être athlète, moi. Si vous avez roté pour moi, c'est bien parce que vous me faites confiance. Non, c'est parce que je vous trouve rigolo. Eh bien, faites-moi tout de même confiance. Vous ferez un athlète merveilleux. Rebecca, pose ce journal et viens voir. Attends, c'est vachement intéressant. Directeur de publication Michel Grabouteville, directeur adjoint Jacques Usalem, rédacteur en chef Thierry... Mais dépêche-toi donc, c'est mille fois plus important. Ok, très bien, j'arrive, patron, à vos ordres. Ouais, cesse de te moquer de moi, hein. Après ce que tu vas voir, ta vie ne sera plus jamais la même. Il y a quelque chose de pas banal qui se trame dans cette ville. On en veut au maire, je le sais, et j'ai les moyens de prouver ce que j'avance. Oui, bah avance alors. Je sais toujours pas qui est rédacteur en chef adjoint, moi. Ouais, tu n'as vraiment aucun sens des priorités, Rebecca. Peu importe. Quelqu'un dont je tairai le nom m'a fait part de quelques impressions sur ce qui se passe dans cette ville et sur la manière dont tout cela se déroule. Tu te souviens des œufs qu'ils nous ont offerts, le maire et son conseil municipal ce matin? Oui. Eh bien cesse de m'interrompre alors, c'était une question rhétorique. Et suis bien ce que je vais te dire. Sur les conseils avisés de mon informateur secret, non, c'est trop évocateur. Appelons-le plutôt larynx géant. Sur les conseils avisés de larynx géant, donc j'ai fait cuire ces œufs. T'as fait monter un réchaud dans la chambre? Non, j'ai fait cuire les œufs. Oui, mais pour ça, t'as fait monter un réchaud. Oui, enfin, peut-être un peu, mais revenons à ces œufs. Tu sais pourtant à quel point j'ai les réchauds en horreur, depuis ce tragique accident de camping avec mon père. Non, ne te fais pas de mal, Rebecca, il est mort. Il est temps de tourner la page. Ah, très bien. Alors, assistant du rédacteur en chef adjoint... Non, je t'en prie, c'était une image. Il est temps de passer à autre chose, disais-je. Les morts ne sont que des morts et le resteront toute leur vie. Alors que les œufs, eux, sont de véritables petites coquilles de vie. Ils sont l'avenir, symbole de l'éternelle jeunesse. Ils renferment dans leur jaune assez d'énergie pour toute une journée. Gober un jaune d'œuf le matin est la garantie d'une journée réussie. C'est pour ça que tu passes autant de temps chaque matin dans la salle de bain? Oui. Tu me dégoûtes. Oui, enfin, eh bien là n'est pas le débat. J'ai donc fait cuire ces œufs. Avec le réchaud? Oui, mais tu veux me laisser finir? Arrange-toi tout de même pour que Carole ne le découvre pas. De quoi? Que l'on veut du mal au maire de cette ville? Non, le réchaud. On n'a pas le droit de monter des ustensiles sans l'en prévenir. Ok, mais alors que j'étais sur le point de me faire un festin d'un de ces œufs, après en avoir préalablement ôté le coq, je me suis aperçu de quelque chose d'étrange. Oui? Tu me demandes pas quoi? Non. Ah bah si, quand même. Bon. Quoi? Eh bien, je ne sais pas si je dois vraiment te le dire. Tu m'énerves! Je sors. Non, attends, ils ont pas de jaune. Voilà, c'est ça, tu sais tout maintenant. Eh bien, comme ça, au moins, tu passeras moins de temps dans la salle de bain. Et moi, ça m'évitera de sortir coiffé comme un dessous de bras. Oh, comprends. Oh là là, calme-toi. Je comprends rien du tout, là. C'est bien ce que je dis. Bon, alors, il y a pas de jaune dans les œufs. Et alors? Eh bien, c'est pourtant clair. Qui est le consommateur principal de ces œufs, à ton avis? Le maire? Non, réfléchis donc un peu. Eh bien, Le maire, peut-être ? Mais non, voyons, c'est le maire, bien sûr. Le maire, c'est pourtant évident. Ah ouais, maintenant que tu le dis. Et dans quelle partie de l'œuf se situe ce qu'il y a de plus nutritif ? Le blanc, bien sûr, comme dans le poulet. Oui, exactement, dans le jaune. Le jaune. Oui, le jaune. Je n'ai jamais dit le contraire. Eh bien, j'ai l'intime conviction que quelqu'un a tout intérêt à ce que le maire ne mange pas le jaune de ses œufs et passe ainsi à côté de toute l'énergie dont il a besoin pour accueillir le comité olympique comme il se doit et ainsi contribuer au rayonnement de sa ville. Il y a quelque part quelqu'un qui attend que le maire attrape une bonne grippe pour pouvoir prendre sa place, ou pire encore... Chut ! Tu n'entends rien ? Non. Quelqu'un monte l'escalier. Ah ouais, maintenant que tu me le dis... Qui ça peut être ? Aucune idée. Ami ou ennemi ? C'est Carole. Mais vous frappez jamais à la porte d'habitude ? Bah, c'est depuis que j'ai vu votre donzelle nue, maintenant j'hésite à entrer. Mais vous ne m'avez jamais vu nue ? Oh, j'ai dû rêver alors. Bon, je peux entrer ? C'est ouvert. C'est pas prudent de laisser ouvert, on pourrait vous voir nu. Mais dites-moi, ça sent l'œuf dur ici ? Non, pas du tout ! Mais si, vous avez fait cuire des œufs. Il doit certainement y avoir un réchaud quelque part. Et j'aime pas les réchauds, ça peut causer des accidents, surtout en camping, quand on y va avec son père. Mais non, arrêtez ! Comment pouvez-vous imaginer une seule seconde qu'on puisse se permettre de monter un réchaud pour faire cuire des œufs ? On sait bien que c'est dangereux. Vous n'êtes pas le seul à avoir eu un tragique accident de camping avec votre père. Mais j'en ai jamais eu. Moi si ! Oh bah c'est malin, vous avez réussi à la faire pleurer. Écoutez, je veux savoir la vérité sur cette histoire de... Eh bien, il n'y en a pas. Il y a toujours une vérité. Oui, mais il n'y a pas deux. Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur alors ? C'est parce que j'ai pété, voilà. Vous êtes content ? Pas énormément, vous puez du cul, hein. Vous mangez des animaux morts ou quoi ? Mes habitudes alimentaires ne vous regardent en rien, Carole. Sortez de cette chambre. Si je veux. Très bien, c'est nous qui sortons alors. Viens, Rebecca. Papa ! Je persiste à penser que ça n'est pas une bonne idée, Vincent. Ça n'est pas l'attitude d'une personne saine d'esprit. C'est que tu t'es laissé embobiner. Il te mène par le bout du nez. Tu gobes tout ce qu'il te raconte sans chercher à aller plus loin. Si c'est pour tomber aussi bas que ça, je me demande si ça vaut bien le coup d'aller plus loin. Bon, Rebecca, c'est très simple maintenant. Soit tu es avec moi, soit tu es contre moi. Si connaître toute la vérité sur cette affaire de poule 2 et de comité olympique ne t'intéresse pas, ça n'est pas la peine de rester. Mets la main à la pâte ou mets les voiles. Oui, bon, à ta place, je retirerai mes mains de la pâte. Voilà quelqu'un. Et je crois bien que c'est... Oh non, pas lui. Oh, monsieur et madame les têteurs ! Non, c'est parce que vous croyez, on est juste collègues. Eh bien soit ! Mais cela n'excuse en rien votre conduite. Les poubelles de la mairie ne sont pas en libre service. Imaginez donc la tête de Simon, notre clochard bitambourgeois, lorsqu'il viendra y recueillir de quoi se distraire pendant une après-midi. Vous avez un clochard à Bitbourg ? Si loin que je m'en souvienne, nous avons toujours eu un clochard à Bitbourg. À moins qu'il ne s'agisse d'un renard. Monsieur le maire, que faites-vous ? Oh, monsieur son conseil municipal. Mademoiselle, comment déjà ? C'est exact. Quelle énorme mémoire ! Mais enfin, vous ne reconnaissez donc pas Machine et son sympathique collègue de bureau ? Si, tout à fait. Mais je reconnais moins là l'attitude de deux jeunes gens sains d'esprit. Que faisiez-vous à fouiller dans les poubelles de la mairie ? Tu vois, je te l'avais dit que c'était pas sain de fouiller dans les poubelles, comme monsieur son conseil. Et c'est de surcroît très mauvais pour les ongles. La saleté reste incrustée entre ces derniers et la peau des doigts. Ah, on frirait pas. Oui, on refoutit pas. Mais sachez tout de même que pour mettre fin aux trois épidémies de choléra successives causées par ce genre d'attitude qui ont ravagé Bitbourg, ainsi que dans un souci de totale transparence envers les traiteurs. Et électeurs, monsieur le maire. Oui, certes. Eh bien, nous consignons tout de même tous les détritus rentrant et sortant de l'hôtel de ville dans le bulletin municipal, dont monsieur son conseil municipal se fera plaisir de vous remettre un exemplaire dédicacé. Vous avez connu trois épidémies de choléra à Bitbourg ? Autant qu'on s'en souvienne, oui. Et successives ! Je vous ai déjà expliqué, monsieur le maire, que ça ne voulait pas dire qu'elles avaient eu beaucoup de succès. Ça a quand même eu l'air de plutôt bien marcher, hein. Ça a quand même fait taire sa goule à la majeure partie des oscillateurs qui n'avaient pas trotté pour moi. Monsieur le maire, je vous en prie. Mais dites-moi, ces Jeux Olympiques, ça avance ? Mis à part le fait que notre projet d'équipe olympique de leveur de coude est terminé en jus de boudin, et que de par ce fait, nous n'avons pas l'ombre d'un athlète à soumettre au comité, oui. Monsieur le maire, cessez maintenant, et retournez dans votre bureau. Sachez que je ne cesserai aucune des personnes présentes ici, et que bien que j'avais justement prévu de me rendre à mon bureau, je n'en ferai rien pour le simple plaisir de vous contredire. J'apprécierais en outre que vous arrêtiez de lever le ton chaque fois que je fais preuve d'honnêteté envers les serviteurs. Excusez-moi de vous interrompre. Je vous en prie, j'avais justement fini. Ouais, très bien. Mais si j'ai bien compris, là, tout l'alphabet est en ville pour élire Bitbourg, ville organisatrice des Jeux Olympiques, et vous n'avez pas d'athlète. C'est à peu près ça, oui. Mais dites-moi, mon jeune ami, vous n'en seriez pas un par hasard? Je vous en prie, ça n'est pas parce qu'on ne couche pas avec son assistante qu'on en est forcément un. Et si l'on ne m'a pas souvent vu avec une femme ces derniers temps, c'est parce que je connais en ce moment quelques légers troubles de monsieur de... Non, Vincent, un athlète. Oui, bah auparavant, c'est comme ça que j'avais l'habitude de l'appeler. Mais les temps ont changé, il n'est plus aussi vivace qu'il l'était. Mais cesse d'être aussi nombriliste. Et toi, prends des cours d'anatomie, c'est pas du tout là que ça se situe. Ce que j'essaie de te dire, c'est qu'il parle d'un athlète. Il veut savoir si tu n'en es pas un, d'athlète. Ça ira comme ça. Je crois que nous en savons, de Marseille, assez sur la timide libido de votre collègue pour comprendre qu'il ne fera pas un bon athlète. À part peut-être en cyclisme, ou bien ces gens qui tirent à plat ventre dans la neige. Vous voulez parler des Esquimaux? Non, ceux qui tirent au fusil. Je pense que nous allons suivre les conseils de cette charmante jeune femme, monsieur le maire. Allons manger des glaces. Ah, chic! C'est une drôlement bonne idée, ça! J'adore ça! Voulez-vous vous joindre à nous, chers amis et inspecteurs? Non, le congélateur est pratiquement vide, monsieur le maire. De toute façon, nous avons affaire. Hein, Vincent? Vincent? Mais parle enfin! Qu'est-ce qu'il te prend? Je ne suis pas un cycliste. Et à très bientôt, je l'espère. Quant à moi, je retourne m'entraîner. Je ne vais tout de même pas laisser Bitbourg passer à côté des Jeux Olympiques. Dépêchez-vous, monsieur le maire. Elle risque de fondre. Je ne fais tout de même pas autant d'effets à mademoiselle Machine. J'ai parlé des glaces, monsieur le maire. Je ne suis pas un cycliste. Non, Vincent. Allez, ça peut arriver à tout le monde d'en dire trop. Et je suis sûre qu'au fond, ça te fait du bien. Viens maintenant, on va déjouer cette terrible conspiration qui menace le maire. Ça va te détendre. Je ne suis pas un cycliste. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez fermer vos gueules? 30 secondes que je cause. Oh les gars, il y a A qui parle, hein. Soyez sympa, 2 secondes d'attention. Bon, je crois qu'il est temps de faire un point. Il y a quelque chose qui tourne pas rond ici. On réussira jamais à mener notre mission à bien et c'est clair qu'on va encore se faire engueuler par les chefs. Ouais, il y en a marre qu'on se foute de notre gueule, hein. Depuis qu'on est arrivé, il se passe que dalle ici, hein. Je suis totalement d'accord avec toi, et je pense que tout le monde est un petit peu énervé du fait qu'on n'a rien becté, qu'en plus le champagne était dégueu. Mais il est temps de réfléchir. C'est clair qu'ils ont pas l'ombre du pet d'un athlète dans le bourg, et il faudrait qu'on fasse quelque chose. Ouais, on a qu'à tuer leur chat. Pas la peine d'être aussi radical, D, et en plus on n'a pas vu un chat depuis qu'on est là. Il faudrait quand même faire quelque chose pour se venger. Ils n'ont pas d'athlète, et c'est ce qu'on était venu chercher, il me semble. Oui, et je crois que c'est clair qu'ils ont besoin de nous pour améliorer leur race. Ils sont vraiment tous teubés ici. Il y a rien à faire avec des gens comme ça. Ils sont complètement bons à rien et incontrôlables. Il y a même pas matière à faire des esclaves. C'est vrai. Je crois qu'on perd notre temps ici. S'ils sont tous comme ça, on n'a rien à faire. On n'a rien à faire sur cette planète. Hein. Ouais, c'est vrai. Bon, un peu de calme, s'il vous plaît. Un peu de calme, on va voter. Qui est pour ce qu'on rentre chez nous et qu'on lourde ses nazes? Oui, elle, tu veux dire quelque chose? Bah ouais, qu'est-ce que devient notre couverture? Ils sont persuadés qu'ils vont organiser leur jeu planétaire, là. Non, elle, tu poses pas les bonnes questions, on perd notre temps avec ça. Arrête, on va se faire griller si on fait pas gaffe au sujet de nos couvertures. Oh, je t'en prie, sois pas de mauvaise foi. On se ramène tous les étés avec des chansons à la con, qu'on prend même pas la peine de traduire, et remarque que dalle. D a raison, hein, c'est clair. Hein. Et puis, on peut pas vraiment dire qu'ils se sont trop occupés de nous depuis qu'on est là. Hein. La vraie question, c'est qui on va trouver comme bon sujet d'étude maintenant, hein. Mais c'est pas vraiment un problème. Hein. On n'a qu'à faire comme d'hab. On passe par Sumériac pour ramener 2 ou 3 spécimens et les chefs devraient nous laisser tranquilles pendant un petit bout de temps. C'est pas très professionnel, ça, quand même. Écoute, elle, t'as une meilleure solution, peut-être? Au point où on en est, il est plus question d'être professionnel ou pas. Il faut qu'on sorte de cette mouise vite. Bon, je crois qu'on va passer au vote, parce que ça devient vraiment casse-burne pour tout le monde, là. Hein. On votera pas si vous continuez à foutre le dawa comme ça. Ouais, un peu de calme, hein, qu'on y passe le moins de temps possible. Hein. Bon, je vais donc vous demander de voter pour savoir si on se casse d'ici en premier lieu. Alors, qui est pour? Très bien, alors qui est contre? Ok, qui s'abstient? Yes. Et qui est parti pisser? Il en manque là, non? Ouais, c'est vrai, je crois. Il a une attitude complètement antidémocratique. C'est clair que c'est pas la première fois qu'il nous fait le coup, mais ça, c'est un autre problème. Je propose qu'on passe au deuxième vote. Ouais, c'est cool, on va se casser. Ok, alors qui est pour ce qu'on fasse un détour par Sumériac pour pas se faire engueuler par les chefs, coucher avec des petites sumériennes trop bonasses et rentrer chez nous pour se la couler douce? Très bien. Qui est contre? Ok, qui s'abstient? Yes, et bien sûr, R est toujours pas revenu des chiottes. Bah, il a pas l'air, mais c'est pas étonnant, je crois qu'il est malade parce qu'il a voulu goûter au champagne. Ok, bah, je crois qu'on peut dire qu'on rentre chez nous, les gars. On laisse un mot et on se barre. Ouais, c'est pas une raison pour faire du bruit, les gars. Hein. Non, laisse-les, hein. Il faut bien qu'ils s'amusent un peu, hein. Alors les amoureux, on était partis se promener ? Oh, je vous en prie, Carole, vous savez très bien qu'on n'est pas cycliste, on est juste collègues, on n'a jamais fait de vélo ensemble. On aurait pu si on avait voulu, mais on ne l'a jamais fait. J'ai l'impression de plus trop bien vous suivre, Vincent, mais qu'est-ce que c'est que cette puanteur que vous traînez avec vous ? Oh, mais je vous en prie, Carole, veuillez ne pas manquer de respect envers Rebecca. Non, laisse tomber, Vincent. Prends donc plutôt une bière. Ah ouais, je comprends, je gêne. Eh ben si c'est comme ça, moi je préfère monter dans la chambre à air. Il est complètement barré aujourd'hui. On comprend plus rien de ce qu'il dit. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Il a absolument tenu à aller visiter les poubelles de la mairie. Il comptait y trouver les déchets alimentaires divers dont nous avait parlé monsieur son conseil municipal et qu'il tient comme responsable de l'absence de jaune dans les œufs. Bah aussi loin que je m'en souviens, il n'y a jamais eu de jaune dans les œufs de Bigbourg. Oui, enfin. Toujours est-il que sur un malentendu, il s'est un petit peu confié au maire et à son conseil municipal sur des sujets plutôt sensibles. Vous voulez parler de monsieur Dumbo ? Mais comment vous êtes au courant, vous ? Aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours été au courant. Et puis vous savez, quand on est barman, on entend beaucoup de choses. Oui, bon, moi, j'en ai entendu assez pour aujourd'hui. Je vais me coucher. Juste quand Vincent vient de monter, comme c'est bizarre. Je vous en prie, Carole. Vous connaissez bien la vérité sur nos rapports. Et puis, de toute façon, je vais pas le supporter à tourner en rond dans la chambre et divaguer sur ses soi-disant conspirations en plaçant le mot vélo dans toutes les phrases. Ça l'a pas mal remué, cette petite discussion avec le maire et son conseil. Je vais plutôt vous l'envoyer pour qu'il se bourre la gueule. Ça le détend et il dort mieux après. À demain, Carole. À demain, mademoiselle, comment déjà ? Bon, bah me v'là encore tout seul. J'en profiterai bien pour réciter un poème. L'oiseau fou. Il ne venait pas de chez nous, ce grand et bel oiseau fou. Il ne reviendra plus jamais chez nous, ce grand et bel oiseau fou. Quand il riait, c'était toujours avec nous, ce grand et bel oiseau fou. Quand il riait, ce n'était jamais de nous, ce grand et bel oiseau fou. Ce qu'il devient, tout le monde s'en fout, ce grand et bel oiseau fou. Il est parti loin de chez nous, ce grand et bel oiseau fou. Avec ses yeux fous, ses cheveux fous, ses genoux fous et c'est bien fou. C'est de vous ? Oh bah tiens, je vous avais pas entendu venir. C'est normal, j'ai pris l'ascenseur. Ah, vous l'avez trouvé ? Je crois, oui, mais c'est un peu mouillé tout de même. Hein. Ah, je vois, vous êtes descendu par les canalisations. Tout le monde se trompe. Oh non, revoilà les deux allumés de la mairie. Salut là-dedans ! Comment allez-vous, chers éructeurs ? Nous ne sommes pas là pour discuter, monsieur le maire. Bah, mais pourquoi vous m'avez traîné ici, alors ? Enfin, souvenez-vous. Si c'était pour prendre une bière que vous étiez venu, ça m'aurait arrangé. Nous avons plus important à faire. Nous sommes venus vous poser une question. Ah oui, c'est vrai. Je m'en souviens maintenant. J'aimerais, Carole, que vous me répondiez franchement et sans détour. Il en va de l'avenir de Bigbourg. Hein. Mais tout ce que vous voulez, monsieur le maire. Alors, laissez-moi m'en souvenir correctement. Lorsque c'est le soir et que vous allez vous coucher, vous mettez votre barbe au-dessus ou au-dessous de votre couverture. Mais, monsieur le maire, ce n'était pas cette question que nous étions venus poser. Eh bien, vous n'avez qu'à la poser, vous. La question, si vous avez réponse à tout, enfin... Eh bien, voilà. N'auriez-vous pas vu, Carole, la délégation du Comité Olympique International ? Il semblerait que nous ayons, par mégarde, perdu la trace. Si, pas plus tard qu'il y a 10 minutes. Et ils m'ont même laissé un message pour vous. Mais qu'attendez-vous pour nous le communiquer, alors ? Eh bien, tenez, vous n'avez qu'à le lire vous-même. J'ai pas l'habitude de fourrer mon nez dans les affaires personnelles de mes clients. Vous voulez dire que vous n'avez jamais succombé à la tentation de plonger vos naseaux dans le tiroir de lingerie féminine du top modèle suédois que vous avez hébergé pendant 3 mois ? Aussi loin que je m'en souvienne, je n'ai jamais hébergé de top modèle suédois. Eh bien, je dois confondre. C'est certainement moi qui l'ai fait. Bon, ouais, c'est pas qu'on s'ennuie, mais il y a quoi sur le message du comité olympique ? Eh bien, vous n'avez qu'à le lire, sympathique éditeur ! J'adore qu'on me fasse la lecture. Ouais, donnez-moi ce beau papier. On s'est cassé, c'était vraiment trop pourri. Eh bien, je crois qu'on les reverra pas de sitôt, hein. Tant mieux ! Ces jeunes gens m'étaient complètement antipathiques. Monsieur le maire ! Nous sommes passés à côté d'une chance inestimable pour notre ville. Oh, je vous en prie ! Prenons plutôt le temps de prendre un verre avec nos rédacteurs. Qu'a-t-on l'habitude de boire dans cet établissement ? De la bière. Eh bien, mettez-moi 4, j'offre la tournée générale. 4 bonnes bières, ça roule. Mais attendez, vous lui demandez pas s'il veut avec des bulles ou avec de l'alcool ? Autant que je m'en souvienne, il y a toujours eu des bulles et de l'alcool dans la bière. Tenez, goûtez donc. Oh. Eh mais c'est donc vrai, et c'est rudement bon. À consommer avec modération tout de même. Cela va de soi. Évidemment ! C'est tout de même bizarre. Oh, ne vous en faites pas, écoutons plutôt la radio. Yeah ! CSI, vous êtes toujours sur BBFM, la radio que l'on aime. Il est exactement ce que je veux. N'oubliez surtout pas la soirée du 21 décembre, soir de la folie. Et il y aura bien sûr, comme vous pouvez vous y attendre, d'ici là, portez-vous bien et restez à l'écoute de BBFM avec du pur son qui déchire pour la suite. BBFM.